Faut danser reggae, oh yeah. 上谁人。On a que des applaudissements. Waouh. Ah ouais. Thank you, Simona. Very nice. Thank you, everybody. Thank you, Fifi. Thank you, guys. Thomas. Felicita. C'est qui encore? Bud. Tyler. I don't see everybody. Come on, don't hide. Come in the middle. Uh oh. Sorry, some little. Salut Fredo. Ah, t'aurais pas fait ça si t'étais venu avec la chérie, hein, m'envoyer plein de bisous. N'est-ce pas, Fredo? Nico, coupe. Ok, go pour un petit blues. Alors, petite interlude. Nous avons quelques problèmes de sound, problème. So, you have to wait until. Allez Nico, vas-y, fais péter un blues. Tu as des problèmes de buzz. Non, ça fait un espèce de. Ok, déconnecte et reviens. C'est normal, t'es en train de télécharger. Ça prend la bande passante, Ninja, mais et à celle-là. Ok, sorry for the problem. We're gonna start soon again. Thank you, Felicita! That's very nice of you! That's very good, nice. Okay. Maybe I try my song. Peut-être que je peux jouer ma chanson d'hier. Que j'ai jamais pu jouer. Ed, can I have some drum for okay.